kutambwa kuba kwa kalonji kuva kwefi ntambwa kuva muya kuja mijo kutambwa tambwa kwa tawe tambwa nujane tambwa kwa tawe tambwa kwa tawe tambwa walumana mijo kutambwa kuba kwa kalonji kuva kwefi ntambwa kuva muya kuja mijo kutambwa tambwa kwa tawe tambwa nujane tambwa kwa tawe tambwa nujane Lyon, tu y as saccagé nos champs. Lyon, tu y as mangé nos provisions. Lyon, tu y as saccagé nos champs. Lyon, tu y as mangé nos provisions. Lyon, arrête, viens danser. Lyon, arrête, rentre dans la ronde. Lyon, arrête et viens danser. Lyon, arrête, rentre dans la ronde. Mijo kutambwa kuba kwa kalonji kuva kwefi ntambwa kuva muya kuja mijo kutambwa tambwa kwa tawe tambwa nujanen tambwa kwa tawe tambwa nujanen tambwa walumana mijo kutambwa kuba kwa kalonji kuva kwefi ntambwa kuva muya kuja mijo kutambwa tambwa kwa tawe tambwa nujanen tambwa kwa tawe tambwa nujanen Lyon, tu y as saccagé nos champs. Lyon, tu y as mangé nos provisions. Lyon, tu y as saccagé nos champs. Lyon, tu y as mangé nos provisions. Lyon, arrête et viens danser. Lyon, arrête, rentre dans la ronde. Lyon, arrête, viens danser. Lyon, arrête, rentre dans la ronde. Lyon, arrête et viens danser. Lyon, arrête, rentre dans la ronde. Lyon, arrête. Viens danser, Lyon arrête et rentre dans la ronde.